Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, 1995, l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo. Peut-être l'avez-vous lu dans vos journaux cet été. Le 6 juillet dernier, le Japon, où s'applique encore la peine de mort, a exécuté par pendaison 7 membres de la secte Aum, dont son fondateur et gourou Shoko Asahara. 3 semaines plus tard, 6 autres ont subi le même sort. Épilogue d'un épisode des plus traumatisants dans l'histoire récente du Japon. Il y a 23 ans, en effet, le 20 mars 1995, à Tokyo, tôt le matin, c'est l'heure de pointe, le métro est bondé, soudain, une odeur pestilentielle, et puis, la toux, les vomissements, la panique, partout. Ce matin-là, des disciples fanatisés de la secte Aum répandent du gaz sarin dans 5 rames du métro de Tokyo. Une offensive soigneusement coordonnée qui fait 13 morts et 6300 personnes intoxiquées, dont beaucoup resteront handicapés à vie. Horriblement gratuit, terriblement pervers, apparemment imprévisible. Mais au-delà de la folie meurtrière, cette attaque au gaz chimique va révéler les failles profondes de la société nippone, son talon d'Achille notamment, et surtout, une jeunesse peut-être trop éduquée et finalement paumée, écrasée par la pression sociale, prête à suivre le premier Christ autoproclamé, prête à mourir pour lui. Notre invité aujourd'hui, l'historien Christophe Sabouret, spécialiste du Japon. En 2009, il a publié aux éditions du CNRS le livre intitulé « Le temps et l'espace dans la culture japonaise », traduction de l'œuvre de Kato Suichi. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Lundi 20 mars 1995, quartier de Waseda, au nord-ouest de Tokyo. Il est 6h15 ce matin-là. Comme à son habitude, Kiyoka, 26 ans, avale en vitesse une tasse de café, prend une douche rapide et file attraper son métro juste avant l'heure de pointe. Aujourd'hui pourtant, il n'y a pas foule. Non, demain c'est fête nationale au Japon, célébrant l'équinoxe de printemps, et ils sont nombreux à faire le pont. Mais pas Kiyoka. Elle vient tout juste de décrocher le boulot de ses rêves. Dans une grande compagnie aérienne, elle veut faire bonne impression. En tête de la ligne Chiyoda qui l'amène au centre de Tokyo, Kiyoka se tient debout près de la cabine du conducteur. Le souffle coupé, elle prend une profonde inspiration et éprouve soudain une douleur intense dans la poitrine. Alors elle s'agrippe à la barre du métro et se met à tousser affreusement. Comme bientôt l'ensemble des passagers de son wagon. Tous se regardent, terrifiés, suffoquant, une main sur la bouche, le genou à terre. La rame A725K s'immobilise à la station Kasumigaseki, quartier des affaires et centre névralgique du pouvoir japonais. Il est 8h10. Sur le quai du métro, au milieu d'une foule à garde, Kiyoka apostrophe un agent. Quelque chose ne va pas, venez vite. Le signal d'alarme est lancé, le haut-parleur ordonne d'évacuer immédiatement la station. Titubante, Kiyoka peine à trouver la sortie, erre une dizaine de minutes dans les couloirs de la gare avant de remonter à la surface. Un soulagement de courte durée, comme elle en témoigne dans Underground, le livre de l'auteur japonais Haruki Murakami, publié en 1997. Une fois dehors, j'ai regardé autour de moi, et ce que j'ai vu c'était, comment dire, l'enfer. 3 hommes étaient par terre. Une cuillère dans la bouche, pour éviter qu'ils ne s'étouffent avec leur langue. Il y avait aussi 6 autres membres du personnel, assis dans les parterres de fleurs, la tête entre les mains, en larmes. Une fille sanglotait, incapable de parler. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Sur la moitié de la rue, c'était l'enfer. Mais de l'autre côté, les gens se rendaient à leur travail, comme d'habitude. C'est comme si on était dans 2 mondes distincts. Nous avions 3 personnes à terre, attendant désespérément une ambulance qui a mis très longtemps à venir. Et pourtant, personne au ministère du Commerce et de l'Industrie, qui se trouve au pied du métro, n'a appelé à l'aide. On ne nous a même pas commandé un taxi. Restés sous terre, 3 agents du métro s'affairent à nettoyer la voiture contaminée. Un étrange liquide recouvre le sol et s'égoutte désormais sur le quai. Dans la panique, ils s'emparent de papiers journaux et épongent tant bien que mal, à mains nues. Peu à peu, l'odeur devient insoutenable. L'agent-chef Takashaki s'effondre, à peine conscient. Malgré leur propre douleur, ses collègues l'installent sur un brancard et parviennent à l'extraire, à l'air libre. Au pied de la station, ils retrouvent alors la jeune Kiyoka qui attend avec une ambulance, en vain. Les sirènes retentissent au loin, mais aucune ne se dirige vers eux. Et pour cause, elle se précipite à la station Tsukichi, sur la ligne Ibiya. Quelques minutes auparavant, une première alerte a été lancée. Là-bas, le même liquide répandu au sol, la même scène de chaos. Des milliers de Japonais sortent de terre, l'écume aux lèvres, les poumons déchirés par la toux. Mais à peine sont-ils arrivés sur place que les secouristes reçoivent de nouveaux appels, par centaines. C'est désormais la ligne de métro Marunouchi qui perd son souffle, noyée sous des fumées toxiques. Ce lundi 20 mars 1995, aux alentours de 8h15, la ville la plus peuplée du monde bascule dans l'angoisse. Ce sont au total 5 rames du métro Tokyo 8 qui sont touchés simultanément par une attaque au gaz chimique. Aux quatre coins de la ville, policiers, pompiers, équipes d'urgence et journalistes accourent sur les lieux du drame, interviennent tant bien que mal tout au long de la matinée. La jeune Kiyoka attendra l'ambulance plus d'une heure et demie. Trop tard. À ses côtés, gisant sur le bitume, l'agent-chef Takahashi meurt asphyxié. Kiyoka décide finalement de se rendre à pied à son bureau. Une heure plus tard, elle est hospitalisée d'urgence avec plus de 42 fièvres et un sifflement lancinant dans les poumons. Pendant ce temps, les caméras de télé diffusent les premières images de l'attentat retransmis dans le monde entier. Et en ce lundi 20 mars 1995, l'attaque du métro de Tokyo fait l'ouverture du 20h de France 3. Comme dans une guerre chimique, ils partent à l'assaut d'un ennemi invisible caché dans le métro. C'est bien cela que les Japonais semblent avoir vécu ce matin en pleine heure d'affluence. Difficultés respiratoires, nausées, maux de tête, coma. 6 morts, 11 personnes dans un état sérieux, 3300 banlieusards et agents du métro touchés par un gaz. De fait, une odeur nauséabonde les avait avertis du danger vers 8 heures. Tous ont tenté de fuir, les voyageurs des trois lignes qui conduisent au cœur de la capitale. Certains témoins déclarent avoir aperçu des hommes déposer des colis sur le quai ou même dans des rames. Il y avait un liquide qui coulait là, dit l'employé du métro. De fait, les experts pensent avoir réuni les emballages de ces mystérieux paquets, des journaux, des sacs en plastique, autant d'indices qui ne font plus guère de doute pour les autorités. Il s'agit selon elles d'un acte criminel visant à tuer le plus grand nombre possible de gens. Les scientifiques dépêchés sur place identifient rapidement la nature des fumées toxiques et du liquide retrouvé dans les rames. Le sarin. Il s'agit d'un gaz neurotoxique synthétisé par l'Allemagne nazie en 1938, alors qu'Hitler s'est préparé pour la guerre. Il sera utilisé pour la première fois bien des années plus tard, en 1983, en Irak. Saddam Hussein s'en sert non seulement contre l'armée iranienne, mais également contre ses propres citoyens, et plus particulièrement kurdes. Présenté sous forme liquide, le sarin, incolore et extrêmement volatile, provoque, une fois inhalé, de graves troubles respiratoires pouvant entraîner la paralysie et la mort. À titre de comparaison, il est 26 fois plus mortel que le cyanure, comme l'explique le docteur Hama, professeur à l'hôpital de Tokyo. Une seule goutte de sarin sur la peau d'un adulte, et c'est la mort immédiate. Le sarin, c'est l'un des poisons les plus puissants qui existent sur cette terre. Preuve, s'il en fallait une, de l'extrême toxicité du gaz sarin. Dans les heures qui suivent l'attaque du métro, 6300 personnes sont hospitalisées, réparties dans les 169 hôpitaux de la ville. Parmi eux, 13 meurent empoisonnés. Un bilan relativement léger, sûrement dû à la mauvaise qualité du gaz sarin, très difficile à synthétiser. Certaines victimes, cependant, resteront paralysées à vie, d'autres dans un coma de plusieurs années. C'est le plus grave attentat perpétré sur le sol japonais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au pays du soleil levant, réputé le plus sûr du monde, le choc est immense. Mais alors qui? Pourquoi? Comment? Les premiers témoignages de passagers parlent d'hommes portant des masques chirurgicaux. Bon, rien d'étonnant. Nombre de Japonais se protègent le visage en hiver pour éviter la diffusion des virus. Ceux-là, en revanche, tenaient deux petites poches plastiques dans leurs mains, entourées de papier journaux. Entre deux stations, les sacs sont déposés à terre, puis percés à l'aide d'un parapluie à la pointe effilée. Trois coups frappés sur le plancher du wagon, le gaz se répand, l'homme masqué, lui, s'est déjà volatilisé. 24 heures après le début de l'enquête, les 300 policiers en charge du dossier excluent définitivement la responsabilité de groupuscules politiques d'extrême droite ou d'extrême gauche, et n'ont déjà en réalité qu'un seul nom en tête, la secte Aum Shinrikyo. Explication JT de France 2 le 21 mars 1995. 8 personnes ont pris hier un ticket pour la mort, et 36 heures plus tard, on est sûr que d'une chose seulement, les terroristes sont des spécialistes. Manipuler du sarin n'est pas en effet à la portée du premier venu. Pour le reste, c'est le brouillard le plus complet. Les 300 enquêteurs nommés par le gouvernement s'intéressent en revanche de très près aux agissements bizarres d'une secte religieuse, Aum Shinrikyo, accusée par le passé d'avoir fabriqué du sarin. Faux. On cherche simplement à nous nuire, dit cet avocat. Une affaire qui rappelle un autre mystère non élucidé. En juin 1994, à Matsumoto, petite ville des Alpes nippones, 7 personnes étaient mortes déjà après avoir inhalé du sarin. Mais l'enquête n'avait pas abouti. La secte Aum Shinrikyo, plus connue sous le nom de secte Aum ou secte Aum, et nous l'appellerons comme ça, ou vérité suprême, c'est ce qu'elle veut dire, est bien connue des Japonais, du moins de ce qu'elle veut bien en montrer. Son histoire commence avec celle de son gourou Matsumoto Shitsuo, 40 ans. Fils d'une famille modeste de tresseurs de tatami, à moitié aveugle de naissance, cet ancien acupuncteur fonde en 1984 sa première école de yoga dans l'un des plus grands centres commerciaux de Tokyo. Il y enseigne à ses élèves, bientôt disciples, diverses techniques de méditation, une religion du corps qui se mue doucement, une idéologie fourre-tout et manichéenne allant du bouddhisme à l'hindouisme, du New Age à Nostradamus. 3 ans plus tard, en 1987, la secte est fondée et Shitsuo Matsumoto devient Shoko Asahara, leader charismatique, vénéré et ambitieux. En 1989, il crée son parti politique et présente 25 candidats aux élections sénatoriales. Dans les rues de Tokyo, campé sur le toit d'un bus, ses adeptes se chargent d'annoncer la prophétie. Bientôt, le Japon affrontera l'apocalypse et seul leur maître pourra remporter la lutte cosmique vers l'avènement d'un nouvel âge spirituel. Vous aussi, soyez sauvés en votant pour le parti de la vérité. Échec cuisant, aucun candidat n'est élu. Mais Asahara y croit. Ceux qui l'entourent, et lui le premier, sont persuadés qu'il est le Christ d'aujourd'hui. Mieux, le sauveur du XXe siècle. En août 1989, Aum Shinrikyo obtient sa reconnaissance comme organisation religieuse auprès de la ville de Tokyo et bénéficie, ès qualité, de nombreux avantages comme l'exonération fiscale pour ses revenus sous forme de dons. La secte installe son siège à Tokyo, son centre de formation à Fujinomiya, à l'écart de la capitale, et multiplie ses bureaux de représentation à l'étranger, tout particulièrement en Russie. Le Dalai Lama en personne adoube le prophète, capable, dit-il, d'entrer en lévitation. Shoko Asahara, lui, enchaîne les plateaux télé. Derrière sa longue chevelure, son interminable barbe et une éternelle robe mauve, il charme par son calme, un esprit logique, une voix douce et bienveillante. À grand renfort également de spots publicitaires. Connaissez-vous le grand maître Shoko Asahara? C'est le leader charismatique de l'association Aum, un groupe bouddhiste qui transmet fidèlement les enseignements du bouddhisme et du yoga primitif. Après 8 années de pratique sévère, il a atteint l'éveil suprême dans les montagnes de l'Himalaya. Le Dalai Lama en personne a confirmé son état supérieur de pratique et de conscience. Et sa paix. Au début des années 90, la secte Aum revendique presque 10 000 membres au Japon et entre 35 000 et 40 000 en Russie. Parmi eux, des jeunes en mal de vivre, en rupture avec la société capitaliste, mais aussi des hauts fonctionnaires, oui, des médecins, des avocats, des scientifiques, tous séduits par les enseignements de Shoko Asahara. Par les moyens simples, la pratique d'une vie ascétique extrême et un gros chèque, il leur assure bonheur et réussite. plus que la ferveur religieuse. Ce sont des recettes que recherchent les fidèles et la possibilité de se libérer de tout besoin de penser par soi-même. Dérives sectaires et fanatiques qui, dans le cas d'Asahara, mèneront droit à la terreur, à l'autodestruction et à la mort. Avant l'attentat du gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995, des premières critiques émergent à l'encontre de la secte, notamment de la part des familles d'adeptes. Elles assistent, impuissantes, au lavage de cerveau de leurs enfants, de leurs maris, de leurs mères, qui du jour au lendemain quittent le foyer en léguant tous leurs biens. L'avocat Tsutsui Sakamoto défend et accompagne ses familles. Et pour cause, le 4 novembre 1989, lui, sa femme et leur nourrisson sont tués et démembrés. D'autres enlèvements, d'autres assassinats suivront, mais le pire reste à venir. Le Goro Asahara s'impatiente. L'apocalypse tant annoncée, tant désirée, se fait attendre. Il décide alors de l'accélérer par des actes terroristes. Seuls ses fidèles en réchapperont et 10% de la population, estime-t-il. Une guerre sainte, contre les faibles, contre la société japonaise tout entière. Il profite de ses adeptes scientifiques pour créer un laboratoire de chimie ultra sophistiqué et leur donne tous les moyens pour jouer les professeurs tournesol. Le 27 juin 1994, Aum commet, après quelques tentatives ratées, un premier attentat à Matsumoto. Bilan, 7 morts et 200 blessés. Après analyse de l'eau d'un étang, la police identifie clairement des traces de sarin. Malgré l'accumulation de plaintes et les suspicions de crimes et délits, les autorités japonaises ferment les yeux. Elles tiennent à prouver qu'elles respectent la loi de corporation religieuse de 1952, qui donne à ces dernières, dès lors qu'elles sont enregistrées, une protection légale contre les interférences de l'État. Mais il y aurait également une explication plus triviale, comme le suggère Jean-Marie Bouissou, chercheur au Centre d'études internationales et spécialiste des sectes, invité sur le plateau de France 2 le 22 mars 1995. Toutes ces sectes japonaises bénéficient d'exemption fiscale totale. C'est la raison pour laquelle il y a au Japon 160 000 organisations religieuses déclarées officiellement recensées. Beaucoup de gens y adhèrent pour cette raison-là aussi. Peut-être. En tout cas, c'est un bienfait n'est jamais perdu pour les politiciens. Et l'argent que les sectes ne payent pas directement au fisc, elles le reversent en partie aux politiciens. Nombre de nouvelles religions sont des gros contributeurs secret. Des budgets politiques. Des budgets politiques. Ce qui pourrait expliquer le silence après le premier incident qui avait eu lieu au mois de juin dernier. Mais effectivement, on peut se poser la question, pourquoi la police japonaise, qui est réputée pour son efficacité et qui là agit très vite, n'a pas agi après l'affaire de Matsumoto, qui pointait aussi directement sur la secte et qui après tout a fait cette mort aussi. La richesse considérable d'Aum, ses adeptes étant à la fois clients, employés, bénévoles, généreux, donateurs, en ferait donc une pompe à finances des partis politiques qui, en échange, ne disent mot. En novembre 1994, par exemple, la police relève sur les sols environnant les locaux d'Aum, à Kemiku Ishiki, la présence de résidus chimiques de sarin sans qu'aucune perquisition ne soit ordonnée. Des enquêtes journalistiques ont révélé l'existence d'un accord entre la secte et le parti libéral démocrate du village, moyennant finance, moyennant le blocage de l'enquête. Plus fondamentalement, peut-être, les autorités publiques n'ont pas agi préventivement contre la secte Aum, car elles n'ont tout simplement pas voulu voir la menace. Le réveil est d'autant plus cruel. Le 20 mars 1995, le tragique attentat du métro de Tokyo plonge le pays dans le chaos et force les autorités à agir vite. Deux jours plus tard, le 22 mars 1995, 2500 policiers assiègent le complexe religieux de Kemiku Ishiki, au pied du mont Fuji, où Aum Shinrikyo a implanté ses différents bâtiments. Pour l'occasion, une couverture médiatique exceptionnelle, relayée par le JT de France 2, est mise sur pied. C'est la police qui a répandu le sarin, pas nous. Ils étaient fort récalcitrants tôt ce matin, les membres de la secte Aum Vérité Suprême. Et pour cause, une véritable armée de policiers était mobilisée pour leur livrer bataille. Officiellement, il s'agissait d'élucider une sombre affaire de rap. En fait, l'objectif était bel et bien l'attentat de Tokyo. Accès inhospitalier, le grand bâtiment est situé dans un village à l'ouest de la capitale japonaise. Les autorités avaient prévu la présence de produits chimiques et même un éventuel combat par le gaz, l'oiseau servant de test en cas d'émanation toxique. De nombreux conteneurs de solvants ont été saisis. Des produits qui peuvent entrer dans la fabrication du sarin. Les enquêteurs n'étaient pas au bout de leur surprise. 50 personnes se trouvaient là dans un état comateux, profondément déshydratées, gravement sous-alimentées. Selon les estimations, l'ensemble des produits chimiques perquisitionnés au siège de la secte aurait pu permettre la fabrication de 5 tonnes 6 de sarin. De quoi éliminer 5 millions de personnes. La police trouve encore, dissimulée dans la forteresse d'Ôme, 700 millions de yens en espèces et 10 kilos d'or en lingots. Outre les dons reçus, Ôme s'est lancé depuis 1992 dans le commerce des micro-ordinateurs qui emploient jusqu'à 300 personnes. La secte possède également plusieurs restaurants, un club de remise en forme, un supermarché et même un hôpital situé dans la banlieue de Tokyo, fouillé à son tour. Mais de Shoko Asahara, nulle trace. Seul savoir réserve encore. Dès le lendemain de la perquisition de ses locaux, le gourou, soupçonné d'avoir fumé en Russie, tient à s'adresser à ses fidèles. Après ce générique de la télé japonaise Anashka, la surprise du jour. C'était le scoop de ce matin en ouverture du journal. Le gourou de la secte Aum en interview, mais en cassette, pas en direct. Interview réalisée dans un lieu tenu secret, car le fameux gourou, Aum Shoko, se cache depuis l'attentat dans le métro de Tokyo. Accusé par la police, le gourou a démenti toute implication dans le meurtre. Les produits chimiques découverts à la secte servaient à faire de la poterie et à fabriquer des engrais chimiques. Ultime provocation dans une société japonaise traumatisée. Shoko Asahara signe son arrêt de mort. Oui, encore faut-il mettre la main sur lui. Winter city side, crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusion that I'd ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes. You did what you did to me, now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan, be tight, big in Japan, where the eastern sea is so blue, big in Japan, all right, bathe and I'll sleep by your side, things are easy when you're big. In Japan. Tonight, big in Japan, be tight, big in Japan, where the eastern sea is so blue. Big in Japan, all right, pay, then I'll sleep by your side. Things are easy when you're big in Japan. Big in Japan. Big in Japan. La science-fiction nippone dans les rues de Tokyo. Ils en sont persuadés, leur cerveau est branché sur celui de leur gourou. Ces casques électroniques sont même censés transmettre 24 heures sur 24 la pensée et les ordres du grand Asahara. Des disciples donc inconditionnels, formés, programmés par ces hommes, des médecins dont la seule pratique médicale, s'assurer de l'asservissement complet des membres de la secte. Un grand nombre des cadres de ces groupes religieux sont très intelligents et ont une formation universitaire très poussée. Mais le problème, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas été valorisés par le système social japonais. Le 26 mars 1995, 6 jours après l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo, et 4 jours après une première perquisition au siège de la secte Aum, les policiers étendent leurs recherches aux différents lieux de culte disséminés dans le pays. 120 au total. Dans l'un d'entre eux, ils découvrent les squelettes calcinés d'une femme et de son bébé. Sur d'autres sites, ces jeunes disciples piqués aux amphètes, drogués au LSD, casques à électrodes sur le crâne, censés les maintenir en contact permanent avec leur maître, Choco Asahara. Certains ne sont que des enfants. Les policiers découvrent aussi le fonctionnement réel de la secte, hiérarchisée en ministères. Pour les disciples, temps de sommeil restreint, surcharge de travail, séparation des familles, accès interdit aux informations extérieures, privation alimentaire et sexuelle. Pour leur gourou, en revanche, rien de tout ça. Considéré comme un tantra père, il utilise de nombreuses disciples pour ses initiations, par exemple. Toutes les dérives d'une secte sont réunies, c'est même un cas d'école. Peu à peu, les 300 enquêteurs chargés du dossier réunissent les preuves matérielles de la culpabilité d'homme dans l'attentat du métro de Tokyo. Explication sur France Inter, le 26 mars 95. Après 5 jours de recherches intensives, la police japonaise affirme détenir à présent les preuves scientifiques selon lesquelles certains produits toxiques retrouvés dans le village de la secte d'Aum sont identiques à ceux prélevés lundi après l'attentat du métro de Tokyo. Ainsi, dans la neige et le vent, les unités spéciales de la police ont cherché dans le moindre détail aujourd'hui, fouillant les bâtiments, retournant la terre, abattant des murs. L'objectif étant de recueillir la plus élémentaire poussière chimique, en particulier dans le laboratoire de la secte près du mont Fuji. Sans convaincre vraiment l'opinion, le gourou Asahara Shoko affirme que ce sont les militaires américains basés au Japon qui ont procédé dans le passé à des épandages chimiques au-dessus de ses propriétés. Des arguments guère retenus par la police japonaise qui confirment son mobile, la secte d'Aum a bien prémédité un meurtre à grande échelle. Commencent alors les premières arrestations des membres de la secte sur des motifs parfois insignifiants. Possession d'un couteau, emploi d'une fausse identité à l'hôtel, non-respect des codes de la route, et d'autres. Au Japon, un suspect peut être maintenu en garde à vue pendant 23 jours, le temps de le faire parler. Ainsi, un à un, les gros bonnets de la secte sont interpellés. Son ministre de l'Intérieur, responsable de la protection personnelle du gourou, son ministre de la Construction et chef des commandos, le chef chimiste qui passera bientôt aux aveux, et d'autres. À la mi-avril, soit un mois après l'attentat, quelques 200 disciples sont sous les verrous. Pendant ce temps, le Japon sombre dans la psychose. Métro, boulot, dodo et peur au ventre pour les tokyoïtes. Tous redoutent un nouveau cauchemar. Dans les journaux, on peut lire des conseils du genre « En cas d'attaque au sarin, fuyez vers le côté où vous voyez le moins de cadavres ». Le changement est tellement brutal pour une population habituée à ne jamais avoir peur. Et les Japonais ont toutes les raisons de s'inquiéter. Dans les semaines qui suivent l'attentat, en effet, une série d'actes d'une violence inouïe ensanglante le pays. La récente tentative d'assassinat du chef de la police a encore renforcé la psychose des Japonais, tout à la fois inquiets et stupéfaits par l'inventivité macabre de ce terrorisme nouveau. La secte a-t-elle encore frappé? C'est la question que se pose le Japon tout entier après la panique qui a eu lieu cet après-midi à Yokohama. Depuis une dizaine d'heures maintenant, l'avion de la compagnie aérienne ANA est bloqué sur le tarmac de l'aéroport d'Hakodate, situé sur l'île d'Hokkaido. À son bord, 15 membres d'équipage et 350 passagers retenus en otage. Le ou les pirates de l'air se réclament de la secte Aum. Mais que se passe-t-il au pays du soleil levant? L'attaque du métro de Tokyo frappe en réalité un peuple déjà à terre. Deux mois plus tôt, le 17 janvier 1995, le séisme de Kobe, le plus terrible de l'histoire japonaise, faisait 6500 morts et 100 milliards de dégâts matériels. Nombre d'immeubles détruits n'étaient pas aux normes antisismiques. Les secours, eux, se montrent désorganisés, amputés par le refus du gouvernement d'accepter l'aide internationale. Si le séisme de Kobe sonne le glas de l'invincibilité du Japon, l'attaque d'Aum Shinrikyo est plus terrible encore, car elle révèle les failles profondes de la société nippone. Ses adeptes fanatiques viennent des meilleures familles. Ce sont les chérubins d'élite formés et conditionnés pour servir Toyota, Mitsubishi et autres titans du miracle économique national. Or, ils sont devenus des guerriers de l'apocalypse. L'affaire criminelle se mue ainsi en débat de société, tandis que la police cherche toujours Choco Asahara près de deux mois après l'attaque du métro de Tokyo. Elle est persuadée que le gourou se cache quelque part vers le mont Fuji, non loin du siège de la secte, peut-être même à l'intérieur. Alors tous les jours, des disciples continuent d'aller et venir, les mains chargées de provisions. « 16 mai 1995, 6h30 du matin. » pour en avoir le cœur net, 600 membres des forces anti-émeutes forcent une nouvelle fois les portes de la secte, avec sur leurs talons des centaines de reporters, caméras, hélicoptères. L'assaut est filmé, en direct, retransmis sur écran géant dans les plus grandes villes du pays. Le suspense va durer 4 heures. Les portes sont ouvertes une à une, au chalumeau, une lente progression à travers une cinquantaine de cellules, sombres, vides. Puis, vers 10h30, la police découvre une petite pièce dissimulée entre le premier et le dernier étage. Là, dans la pénombre, elle découvre une forme mauve en pyjama. Le gourou était tout simplement assis par terre, comme ici, en méditation, quand les policiers sont venus le cueillir. Il n'a pas cherché à se défendre, il a simplement dit « Comment un aveugle comme moi pourrait-il organiser un acte pareil ?» C'est vrai, Shoko Asahara est aveugle, mais il voit loin. Il a voulu entraîner dans la mort des milliers de Japonais dans une folle apocalypse afin de prouver qu'il était le maître du monde. La psychose de l'attentat au gaz de combat n'a pas disparu avec la détention de Shoko Asahara. Quelques heures après l'annonce de l'arrestation du gourou, un colis piégé explosait à l'hôtel de ville de Tokyo. C'est peut-être la vengeance des fidèles de Shoko Asahara. Matsumoto Chitsuo, alias Shoko Asahara, 40 ans, et ses principaux lieutenants sont poursuivis pour 4 chefs d'inculpation. L'attentat du métro Tokyo, bien sûr, celui de Matsumoto, en juin 1994, qui avait fait 7 morts, l'assassinat de l'avocat Tsutsumi Sakamoto et sa famille, et l'élimination d'adeptes récalcitrants, soit 23 meurtres. Un an plus tard, le 25 avril 1996, Asahara comparaît pour la première fois devant la justice. Conformément au complexe système judiciaire japonais, il sera auditionné une fois par semaine, et cela pendant des années. 9 ans, exactement. Ce matin-là, à l'ouverture du procès, ils sont plus de 12 000 personnes à faire la queue devant le tribunal de Tokyo, dans l'espoir de gagner au tirage au sort l'une des 48 places réservées au public. Ils veulent voir le prophète déchu, le monstre, comme l'appelle la presse. Mais il est à peine visible derrière sa dense chevelure ébouriffée, terré dans un silence dont il ne sortira plus. Mais oui, à quoi bon? Son pays pratique encore la peine de mort, il a peu de chances d'en réchapper. Verdict, le 26 février 2004. Shoko Asahara s'était donné l'image d'un gourou que n'aurait pu rêver Hollywood. À demi aveugle, la barbe hirsute, de longs cheveux noirs, des robes de soie mauves, le sourire béat, la voix suave. Eh bien, ce prophète d'Apocalypse apparaît aujourd'hui comme un homme au bord de la folie, incapable de s'exprimer de manière cohérente, ni peut-être de comprendre qu'un tribunal vient de le condamner à mort. Du procès du gourou de Ohm, les Japonais ne retiennent rien, ou presque. Il y a floraison de nouvelles sectes ici, et Ohm, qui s'appelle désormais Alep, continue d'attirer de jeunes souffrant d'un vide spirituel, vivant dans un univers virtuel de jeux vidéo, spécialistes bardés de diplômes, mais qui, en dehors de leur sphère, ne connaissent rien et sont donc vulnérables à des explications surnaturelles. Asahara attendra 14 ans dans le couloir de la mort avant d'être pendu le 6 juillet dernier. Pendant ce temps, sa secte, rebaptisée en 1999, Alep continue de prospérer. Après un mea culpa public, elle compterait aujourd'hui 1600 membres répartis dans 28 établissements. Activement surveillée par les forces de sécurité, mais en rien interdite. Comme si le Japon voulait à nouveau fermer les yeux et rêver à son invincibilité. L'écrivain japonais Haruki Murakami, lui, ne veut pas oublier, mais réparer, rapiécer les débris du désastre. Dans son ouvrage journalistique Underground, commencé un an après les attentats, témoins, survivants et bourreaux témoignent. Une parole difficile. En préambule, Murakami explique que la plupart des protagonistes de cette tragédie ont refusé de parler par peur des représailles et des pressions sur leur famille ou par refoulement. Chaque histoire, pourtant, si singulière soit-elle, désigne les failles d'un système et un ennemi commun, clé de l'affaire, peut-être, l'ultra-moderne solitude. I take further evidence. I seem to need a reference. the constant struggle ensures my insanity. Passiveness ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Liquor I come forth and they juice me. Dress me up in stitsy. Confused by different memories. Details of Asia. Remember these conversations. I want to become a venom. It's my brain thinks bomb like. So I listen, he's a conkite. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quail in the crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les attentats du métro de Tokyo le 20 mars 95. Notre invité, l'historien Christophe Sabouret. Bonjour. Bonjour. Spécialiste du Japon. En 2009, vous avez publié aux éditions du CNRS le livre intitulé « Le temps et l'espace dans la culture japonaise », traduction de l'œuvre de Kato Suichi. Alors, pour commencer, il me semble intéressant de revenir sur un autre ouvrage important, écrit celui-là par Haruki Murakami, Underground, rédigé au cours de l'année 1996, soit un an après les attentats dans le métro de Tokyo. Ce livre d'entretien, qui est aussi une réflexion philosophique, s'inscrit, me semble-t-il, en réaction au traitement médiatique de la tragédie à l'époque, traitement jugé trop manichéen. Qu'est-ce à dire, plus précisément ? C'est effectivement la principale... D'abord, la motivation de Murakami Haruki était de donner un visage aussi bien aux victimes qu'aux auteurs de l'attentat. Mmh. Car il déplorait le manichéisme de la couverture médiatique, à la fois de l'événement, l'attentat, des perquisitions, des arrestations. Et parmi les 70, je crois, personnes qui ont accepté de témoigner, en ayant la possibilité d'ailleurs de relire ce qu'elles avaient dit. Donc c'est vraiment un témoignage. Mmh. Et elles se plaignaient toutes, y compris les auteurs, du traitement en bien et ou mal. Ouais, ça, manichéen. Manichéen. Blanc ou noir. Voilà. Sans, en fait, c'est une façon de ne pas aller sur un terrain un peu tabou, compliqué, qui est celui des problèmes du Japon profond qui pourrait expliquer cette dérive-là. Bah, Des causes. C'était une stratégie de diversion. Je ne sais pas si c'était une stratégie, mais ce que déplore Murakami, et à travers Murakami, les auteurs et aussi les victimes, c'est l'absence d'investigation sur les causes réelles, profondes. C'est ça. Et non, oui, pas conjoncturelles de cet attentat. Profond. Alors, c'est quoi les causes profondes? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ça dans un pays qui jusque-là offrait un tout autre visage? Vous avez dit tout à l'heure, citant Murakami, le problème de l'hyper-solitude. Ouais. C'est une des causes. Ouais. Il y a aussi d'autres causes, comme celle que vous avez aussi évoquée, du financement des partis politiques. Bien sûr. Il y a aussi le rapport à la croyance. Au Japon, on peut être multi-croyant. Mm. On a l'habitude de dire qu'au Japon, on est shintoïste. On meurt bouddhiste et entre-temps, on peut se marier à l'église. Ouais, mais enfin, le spirituel, quoi, dis-le jusqu'à la fin. Voilà, donc ce qui fait qu'on a un taux de croyants dépassant les 200%. Pour 126 millions de personnes, on a 200 ou 300 millions de croyants. Ce qui veut dire qu'un discours comme celui porté par le gourou de cette secte Aum avait toutes les chances de pénétrer les esprits. Les esprits étaient prêts, quoi, en fait. Les esprits étaient prêts. D'autres sectes existaient, existent et existeront au Japon. Oui. Car il est très avantageux de s'autoproclamer d'abord chef spirituel et l'obtention du permis pouvant donner droit à des exemptions fiscales n'est pas très compliquée. On reviendra sur le malaise de la jeunesse japonaise. Je ne sais pas si le malaise touche plus la jeunesse que les autres catégories d'âge au Japon, mais il y a cette contradiction, ce hiatus qu'on n'aime peut-être pas, hein, d'ailleurs. D'un côté, on a une société matérialiste très performante. Le Japon est devenu deuxième puissance mondiale assez vite, maintenant concurrencé par la Chine et l'Inde. Enfin bon, ça reste quand même un poids lourd de l'économie, de l'innovation. Et puis, il y a aussi cette forte inclinaison, spirituelle. Donc les deux pourraient entrer en conflit. Mais il y a les deux, c'est comme si ça s'était passé de façon harmonieuse pendant un temps et qu'il y ait une rupture après. Il n'est pas indifférent que l'attentat de 95 ait pris place 50 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est vrai. Vous avez dit tout à l'heure que le Japon sortait à peine du traumatisme du tremblement de terre de Kobe. Et il faut savoir aussi que mars 1945, c'est le 10 mars et c'est 100 000 morts, c'est le bombardement de Tokyo. Ouais. Et donc le Japon qui, après la guerre, a en quelque sorte tourner le dos à la guerre en ne conduisant pas une véritable investigation en profondeur. Mmh. À tel point qu'un grand politiste japonais a dit que le Japon, c'était le règne du système de l'irresponsabilité. Il a dit ça au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et on peut le dire de beaucoup d'événements, y compris celui-ci. Et 50 ans après la guerre, les Japonais pensaient avoir tourné la page de l'après-guerre et de la guerre, bien entendu. Et il vivait dans le mythe de la sécurité absolue. Oui. Or, ce mythe s'effondre. Et depuis, il s'est passé d'autres événements, catastrophes naturelles. Jusqu'à Fukushima. Et catastrophes pas que naturelles. Mais industrielles. Industrielles. Bien sûr. Et là, elles sont culturelles. Oui, oui. Parce que les Japonais disaient, tiens, entre parenthèses, par rapport au nucléaire, on n'a jamais rien eu, on est très nucléarisé. Vous voyez, on n'a pas de problème, nous, c'est, tout est contrôlé, tout va bien. Quelle rupture, oui. Après Fukushima. Oui. Et ça va dans le sens, d'ailleurs, de ces ruptures qui passent de la sérénité à l'angoisse. Oui, et puis on oublie, il y a un proverbe japonais qui dit « laissez filer, mizuni nagasu ». Et surtout, les mauvaises nouvelles, on les rejette et on passe à autre chose. Mmh. Donc, c'est aussi en lien avec leur sentiment d'adhésion au présent. Le présent est très important. Alors, on explique cela par la fréquence des tremblements de terre, des catastrophes naturelles. Donc, il y a un vrai, je dirais, immanentisme, fort attachement au présent, ne pas trop s'interroger sur le passé et encore moins trop se projeter vers l'avenir. On va écouter une archive ensemble, le témoignage d'une ancienne jeune adepte de la secte Aum, extraite d'un reportage intitulé « Le miroir aux alouettes », diffusé sur France 3 le 26 septembre 1998. À l'époque, j'avais de grosses difficultés relationnelles avec ma famille, mes amis et mon travail. Je cherchais à m'échapper de tous ces problèmes. Et en fait, c'est tout à fait par hasard que j'ai rencontré Aum. Ça s'est présenté devant moi comme une illumination, une lumière brillante. J'avais tellement de problèmes que j'ai sauté sur l'occasion. Jusqu'à mon entrée dans la secte, je n'avais pas vraiment de raison de vivre. J'avais l'impression de ne pas avoir ma place dans ce monde, de ne pas savoir à quoi je devais servir. Je manquais de confiance en moi. En rejoignant Aum, j'ai trouvé une raison d'être, un but à mon existence. Alors ce genre de témoignage, on pourrait l'entendre dans n'importe quel pays, de n'importe quelle secte. Ça, c'est le mécanisme d'une secte, mais quelle résonance ça prend au Japon, quand vous entendez ça, vous ? Ça n'a pas une résonance telle qu'on pourrait, disons, s'en indigner en France, ouais. Où les sectes sont surveillées, parfois même traduites devant la justice pour des faits qui peuvent leur être reprochés. Au Japon, il y a plusieurs centaines de milliers de sectes. Vous avez rappelé tout à l'heure que Aleph et puis aussi Hikari no Wa sont des avatars. Oui, bien sûr. De Aum. Donc, on a, je pense, trop attribué ces attentats à Asahara Shoko, qui lui n'a rien reconnu. Donc, une fois de plus, l'irresponsabilité. Et puis, à ses ministres, oui. Ou aux élites de son groupe. Mais on n'a pas véritablement rechercher quelles étaient les responsabilités collectives, en fait. Si bien que, bon, c'est une affaire de personne, mais c'est pas une affaire de société. Alors, le problème de la société japonaise, c'est l'impossibilité, l'incapacité d'analyser sa propre histoire, c'est ça? Parce qu'on dirait que c'est vraiment une stratégie. On met un pansement sur une blessure profonde, comme ça, on la voit plus, hein, c'est pas nous, il se passe rien, n'empêche que. Je ne sais pas si c'est une stratégie. Ou une culture, je sais pas. Ou une politique. Disons que parmi les conditions pour que perdure cette absence, voilà, on ne s'appesantit pas trop sur le passé, on pourrait citer la permanence au pouvoir du même parti politique depuis 1945, oui. Qui est quelque part dans la continuité de partis politiques et d'hommes politiques qui étaient là pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça dit quoi? Ça dit que les Japonais n'aiment peut-être pas beaucoup le changement. Bon. Alors, en tout cas, cette affaire a mis en lumière l'importance des sectes et autres organisations religieuses obscures, obscurantistes, au Japon. On va écouter une autre archive, une dernière, ensemble. Celle-là date de décembre 1968. C'est un reportage de l'ORTF qui s'inquiète déjà de l'influence colossale d'une secte qui s'appelle Soka Gakkai. Vous connaissez littéralement Société pour la création de valeur. À l'échelle japonaise, une force occulte, religieuse et politique est en marche. La Soka Gakkai. Voici 700 ans, un moine nommé Nichiren s'affirma comme une nouvelle incarnation de Bouddha. Dès lors, il dénonça toutes les autres formes de religion, même bouddhistes, comme mauvaises ou démoniaques. Directement inspiré par cette doctrine intransigeante, la Soka Gakkai a rétabli le culte de Nichiren. Du style majorette aux grandes cérémonies bouddhiques, de la persuasion en douceur à la manière forte, la Soka Gakkai se lance à la conquête du pouvoir. En 1945, une poignée d'adhérents. En 1968, 12 à 15 millions. État dans l'état, la Soka Gakkai n'est pas encore une menace à l'échelle japonaise. Mais elle symbolise l'ambiguïté d'un pays qui associe les contraires au lieu de les opposer comme un Occident. Voilà, ça c'est un mot-clé, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec l'analyse du journaliste. Là, sur... Tout à fait, c'est très pertinent. Ouais. C'est... Et ça a été créé en, Soka Gakkai en 1930 et ça appartient à ce qu'on a appelé les premières religions. Hein. C'est oui, les nouvelles religions. Mais les premières nouvelles religions, parce qu'il y en aura d'autres. Ah, il y en aura. Bon, on a l'habitude de diviser les religions entre anciennes et nouvelles religions. Mm-hmm. Et après, dans les nouvelles religions, les nouvelles religions. Par exemple, Om Shinriko, c'était une nouvelle religion. Alors, Soka Gakkai de cette mouvance née avant bouddhiste, oui. Avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que le fanatisme militaire des Japonais, le côté suicidaire, peut être expliqué aussi par ce genre d'adhésion à des mouvements comme ça? Est-ce que il y aurait beaucoup de choses à dire sur la pulsion suicidaire des Japonais? J'ai beaucoup de réserves. Oui, sur, non, mais c'est peut-être sur, un cliché. Je pense pas que les Japonais, en naissant, aient ce sorte de gêne. Oui. Moi non plus. Voilà. J'ai pensé par rapport à un fait précis d'histoire. Oui. Voilà. Pour en revenir, pour ne parler que de la Soka Gakkai et qui explique en partie le silence de la société japonaise au moment des faits de l'attentat et 25 ans ou quelques après, la Soka Gakkai. À partir de la Soka Gakkai, un mouvement politique a été créé qui s'appelle le Komeito ou le Nouveau Komeito. Et le Nouveau Komeito est au gouvernement actuellement. Mmh. Il a 29 sièges, je crois, sur les 465 et un ministre qui n'est pas n'importe lequel, qui est ministre des Transports ou du Bâtiment ou du Tourisme. Avec quelle idéologie? On va dire centre-droit. Comme nos démocrates chrétiens. Mais pour avoir habité au-dessus d'une grand-mère japonaise qui était à la Soka Gakkai et qu'on venait chercher avant chaque échéance électorale, je peux vous dire que les méthodes, pas de recrutement, mais de racolage, sont très intenses. Et est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre ces premières nouvelles religions et ces donc avant-guerre et ces nouvelles religions après-guerre et donc auxquelles appartient la secte Om? On peut voir la même différence qu'il y a entre une religion établie et une secte qui démarre. Mmh. Et quel est le regard des Japonais qui ne sont pas embringués dans ce genre de choses? Ils ont conscience que c'est fort dans leur pays, peut-être plus fort que dans d'autres pays. Ça les gêne, c'est un vrai problème, qu'est-ce qu'ils disent? La croyance est une affaire privée au Japon. Donc la plupart des Japonais, comme je vous l'ai dit, se déclareraient volontiers, même pas athées, mais ils se disent religieux. Ce qui ne les empêche pas d'être portés vers le bouddhisme, le shintoïsme, pour certains événements rythmant la vie, tout simplement. Donc, soit ça leur est égal, mais ils n'ont pas le même rapport, une fois de plus, à la croyance, soit ils sont embarqués dans une secte, et là, le rapport au réel est très différent. Est-ce que la bulle financière, matérialiste, économique des années 80, même des 70 que le Japon a connu, est-ce que tous ces phénomènes-là peuvent s'inscrire en réaction d'une société trop matérialiste ou pas? Oui, c'est effectivement, les sectes ont le bon côté d'offrir, a priori, un refuge. On trouve une famille, on se sent moins seul. Mais voilà, les illusions sont très rapides. Et vous pensez que c'est encore ces sectes et l'existence de ces sectes, c'est encore une menace pour le Japon? Ça peut l'être, bien entendu. Ça peut l'être. Les autorités, pas politiques, mais de santé, de sécurité, ont tiré les conséquences. Quand même. Oui. Parce qu'il y a eu du laxisme, mais en même temps. Ont tiré les conséquences parce que le Japon, qui est un grand pays où se déroulent des événements internationaux. Bien sûr. L'année prochaine, on va avoir la Coupe du Monde du rugby. Ouais. L'année suivante, les Jeux Olympiques. D'été. Mmh. Ils ont accueilli en 2002 la Coupe du Monde de foot. Avec la Corée. Avec la Corée. Oui. Et à cette occasion, ils se sont rendus compte, quelques mois auparavant, puisqu'il se trouve que je suis en rapport avec les gens qui s'occupent de la médecine d'urgence, que pas grand-chose n'avait été mis au point. Et donc, on va dire que la médecine d'urgence au Japon a vraiment tiré toutes les conséquences possibles et imaginables de l'attentat au sarin, qui est unique et qui reste encore unique à ce jour-là dans le monde, une attaque chimique, à part en Irak, où là les conditions étaient différentes. Ça l'a mis Saddam et les Kurdes. Voilà. Pour un occidental qui n'a jamais mis les pieds au Japon, c'est un pays forcément compliqué à comprendre, c'est normal, c'est une culture lointaine, fascinante. C'est quoi les clés pour comprendre le Japon? Deux, trois clés importantes, vous qui le connaissez si bien. Deux, trois clés. Pas beaucoup parce qu'il reste Oui, alors on va aller vite. Ben, je vais vous donner les clés que propose l'auteur que vous avez cité, que j'ai traduit, Kato Shuichi. Il y a effectivement le fait de ne pas trop s'apesantir sur le passé, ce qu'on appelle laisser aller, tourner la page. D'accord. Et puis l'autre, ce qu'on appelle Oniwa Soto, donc c'est les démons dehors. Donc on fait ça en février ou en mars, c'est le jet de haricots en dehors de la maison. Voilà, on fait place nette. Donc, c'est pas mettre les mauvaises choses sous le tapis, mais presque. Bien, écoutez, merci beaucoup, Christophe Sabouret, de vos éclairages sur à la fois cette histoire au Japon et sur le Japon passé, présent. Alors, l'avenir, pas trop, hein, on n'en parle pas trop, d'accord? C'est Affaires Sensibles aujourd'hui, les attentats dans le métro de Tokyo en 1995, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Et merci à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui.